À Paris, vendredi 14 juin 1675. C'est au lieu d'aller dans votre chambre, ma bonne, que je vous entretiens. Quand je suis assez malheureuse pour ne vous avoir plus, ma consolation toute naturelle, c'est de vous écrire, de recevoir de vos lettres, de parler de vous et de faire quelques pas pour vos affaires. Je passais hier l'après-dîner avec notre cardinal. Vous ne sauriez jamais deviner de quoi nous parlons quand nous sommes ensemble. Je recommence toujours à vous dire que vous ne sauriez trop l'aimer et l'honorer. Vous êtes trop heureuse d'avoir renouvelé si solidement dans son cœur toute l'inclination et la tendresse naturelle qu'il avait déjà pour vous. Nous vous prions tous deux de ne point perdre courage dans vos affaires. Ne jetez point le manche après la cognée, comme on dit. Ayez quelque application à retrancher un bel air d'abondance qui est chez vous, qui est fort indifférent à ceux qui le font et fort préjudiciable à ceux qui le payent. Quand on croit que vous ne vous en souciez pas, on garde peu de mesure et cela va loin. Au nom de Dieu, soutenez-vous et croyez que les arrangements de la Providence sont quelquefois bien contraires à ce que nous pensons. Mandez-moi comme vous vous portez de l'air de Grignan, s'il vous a déjà bien dévoré, si vous avez le teint gâté, si vous dormez mal, enfin comme vous êtes et comme je me dois représenter votre jolie personne. Votre portrait est très aimable, mais beaucoup moins que vous, sans compter qu'il ne parle point. Pour moi, n'en soyez point en peine. Ma règle présentement est d'être déréglée. Je n'en suis point malade. Je dîne tristement. Je suis ici jusqu'à 5 ou 6 heures. Le soir, je vais, quand je n'ai point d'affaires, chez quelqu'une de mes amies. Je me promène selon les quartiers. Nous voici dans les saluts, et je fais tout céder au plaisir d'être avec monsieur le cardinal. Je ne perds aucune des heures qu'il me peut donner. Il m'en donne beaucoup. J'en sentirai mieux son départ et son absence. Il n'importe. Je ne songe jamais à m'épargner. Après vous avoir quitté, je n'ai plus rien à craindre. J'irai un peu à Livry, sans lui et vos affaires, mais je mets les choses au rang qu'elles doivent être, et ces deux choses sont bien au-dessus de mes fantaisies. La reine fut voir Madame de Montespan à Clagny, le jour que je vous avais dit qu'elle l'avait prise en passant. Elle monta dans sa chambre. Elle y fut une demi-heure. Elle alla dans celle de Monsieur du Vexin, qui était un peu malade, et puis emmena Madame de Montespan à Trianon, comme je vous l'avais mandé. Il y a des dames qui ont été à Clagny. Elles trouvèrent la belle si occupée des ouvrages et des enchantements que l'on fait pour elle que pour moi je me représente Didon qui fait bâtir Carthage. La suite de l'histoire ne se ressemblera pas. Monsieur de La Rochefoucauld m'a fort prié de vous assurer de son service. Madame de Lafayette vous embrasse. Nous craignons bien ici que vous n'ayez tout du long Madame la Grande Duchesse. On lui prépare ici une prison à Montmartre dont elle serait effrayée si elle n'espérait point de la faire changer. C'est à quoi elle sera attrapée. Ils sont ravis en Toscane d'en être défaits. Madame de Sully est partie. Paris devient fort désert. Je voudrais déjà en être dehors. Je dînais hier avec le coadjuteur chez monsieur le cardinal. Je le chargeais de vous faire l'histoire ecclésiastique. Monsieur Joly prêcha à l'ouverture, mais comme il ne se servit que d'une vieille évangile et qu'il ne dit que de vieilles vérités, son sermon parut vieux. Il y aurait de belles choses à dire sur cet article. La reine a dîné aujourd'hui aux Carmélites du Boulois, avec Madame de Montespan et Madame de Fontevraud. Vous verrez de quelle hauteur se tournera cette amitié. On dit que Monsieur de Turenne reconduit les ennemis quasi jusque dans leur logis. Il est assez avant dans leur pays. Voilà un si gros paquet de Monsieur d'Acqueville que c'est se moquer de vouloir vous apprendre quelque chose aujourd'hui. J'ai le cœur bien pressé de Monsieur le cardinal de Ré. Je le vois souvent et longtemps, et cela même augmente ma tristesse. Il sort d'ici, il s'en va demain. Je ferai ce soir mon paquet chez lui. Je n'ai pas encore reçu vos lettres. Croyez, ma chère bonne, qu'il n'est pas possible d'aimer plus que je vous aime. Je ne suis animée que de ce qui a quelque rapport à vous. Madame de Rochebonne m'a écrit très tendrement. Elle me conte avec quel sentiment vous reçûtes et voulûtes mes lettres à Lyon. Vous êtes donc quelquefois faible aussi bien que moi. Ma très aimable enfant. Embrassez monsieur de Grignan pour moi et vos pichons. J'aurais bien des baisemains à vous faire si je voulais vous dire tout ce qu'on me fait pour vous. Mademoiselle de Méry a trouvé une très jolie petite maison dans ce quartier.